J'aperçois la fin, bientôt je touche le but. En attendant, je les écoute jouer de la flûte. Je sais que le monde sera libre enfin. Lui a marché dans les limbes en vain. Sur sa peau efface les taches, sur sa peau efface la crasse. Il marche dans les pas de la honte, en silence affronte le monde. La flamme se meurt au sein de son cœur. Je sais qu'il a peur qu'elle s'éteigne à vie. Un jour maudit où les anges pleurent sous la pluie. Ses lames auraient dû finir tachées de rouge. Sur le carrelage blanc qu'il a trop pris pour le paradis. Le mirage, là-bas t'es petit. Vêtu d'un linge blanc, le démon se cachait sous une tunique. L'air a fini par devenir irrespirable. La fumée de vapeur toxique sous des milliers de litres d'acide. La vengeance est bien tacite, l'enfant a rongé la cage. Dans la geôle s'étouffent les cris, son teint à lui manquait de couleur. Petit à petit il devient gris. Ses premiers pas dehors, encore les chaînes aux chevilles. Tout rachitique, la créature déambule sans une once de vie. La peau salie, pour lui sa chair ne vaut pas grand chose. Pour lui les murs s'effritent. En route il a demandé pourquoi le corbeau lui dit oublie. Les réponses il les a mais elles sont douloureuses. Il a fait le choix de se blesser, lui de plus faire la Dolores. 16 ans plus tard tout près de la mort ils sont son âme. Le silence se tait, on n'entend plus que le bruit de son arme. Même quelques coupures n'auraient pas suffi pour expier tous les péchés du petit hein. Lui qui a souffert dans les rues de la ville, là où personne ne voulait de lui. Oh, je pense à toi, mon ange. Je pense à toi. Comme j'ai mal pour toi, mon ange. Comme j'ai mal pour toi. Je sais que tous ces abus t'ont tué. Dans le silence, sur tes lèvres, le barbelé. La chanson joue et ton petit corps tu dénudes. La mort te guette, elle se réjouit du prélude. Des années durant, tu t'es blessé dans les orties. Liquide cramoisi coulait le long de tes cuisses. Tu t'es haï, on t'a trahi. Tu repenses encore des relents dans la trachée. Le monde est laid. Tant tu le sais, tu t'es tué en face du mal. Ne dis plus rien, mon ange, tu n'as plus de corde vocale. Ce morceau résonne comme une phase terminale. Ah.